Il était une fois habillé d'élégance. C'est souvent comme ça que les histoires commencent. Il était une fois au bord de la romance. Un parfum délicat, on peut aller par là. Quatre petits mots, couleur abricot, c'est du soleil pour notre éveil. Quatre petits mots, mon ami Pierrot, c'est du soleil. Il était une fois sur les routes de France, c'est souvent comme ça que les histoires commencent. Il était une fois pour entrer dans la danse, un petit saut par-delà, abracadabra. Quatre petits mots, couleur abricot, c'est du soleil pour notre éveil. Quatre petits mots, mon ami Pierrot, c'est du soleil. Il était une fois au pied de l'espérance, c'est souvent comme ça que les histoires commencent. Il était une fois pour donner la nuance, c'est comme au cinéma, patati patata. Quatre petits mots, couleur abricot, c'est du soleil pour notre éveil. Quatre petits mots, mon ami Pierrot, c'est du soleil. Il était une fois, et que l'histoire commence, pour aller par-delà, abracadabra.